J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans cette 24e édition de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde des comics. Waouh, c'est bien. Alors, cette fois-ci, les gens sont un peu plus motivés après. On a pris des petites vacances avec Faye et bah voilà, on revient ressourcé. Ça va Romain? Ça va très bien et vous? Ça va. Thomas, ça va? Ça va très très bien. Et Faye? Oui, ça va, bonjour tout le monde. Ah, et puis le printemps est là, il fait très beau, là, on est au top de notre forme. Il fait chaud et il fait beau. Et comme je parlais de vacances, je tenais à faire un petit coucou, parce que même quand je vais en vacances, donc je retournais dans ma Savoie natale, et même quand je vais dans ma Savoie natale, je peux pas m'empêcher d'aller voir des comic shops. Et je tiens à remercier Comics Store, qui est un nouveau shop qui a ouvert près de Chambéry, et qui est vraiment très très cool. Donc allez, si vous êtes près de Chambéry, allez voir Comic Store. Et si vous n'êtes pas près de Chambéry, vous pouvez aller voir leur site internet, comicstore.net. Ou .fr, je sais plus. On tape Comic Store. Comic Store, vous trouverez. Ils font de la VPC et tout, ça a l'air, et c'est des gens très très sympas. Donc voilà, je tenais à faire un petit coucou. Et on va commencer directement dans les news avec Faye. On est parti sur les news? Oui. C'est parti. Et moi je vais commencer avec ma première news, et c'est une news, j'ai pas beaucoup de news, j'en ai que deux, mais c'est deux, une grosse et une petite. On va commencer par la toute petite. Si je vous dis Clueless, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Non. Non. Oui. Donc ça, tu le gardes pour plus tard, parce que tu vas présenter tout à l'heure. Et si je vous dis Amber Benson? Toujours pas. Oui. Donc, vous n'avez pas de culture. Bon, encore une fois, Amber Benson, c'était Tara dans Buffy. D'accord. Donc voilà. Ah. Et en fait, elle va écrire un comics pour Boom Studio. Et ça va être un comics tiré de Clueless. Et je vais laisser. Et Clueless, pour les gens, c'est un film qui a fait débuter deux personnes qui ont fait du comics. Si je vous dis, on va en faire un petit quiz. Faye, tu n'as pas le droit de parler. Alicia Silverstone, ça vous dit quelque chose? Non. Non plus. Ça devrait vous dire quelque chose. C'est jeune, vous avez vraiment pas de culture. C'était Batgirl dans le film Batman et Robin. D'accord. Ah ouais, ce super film là. Ouais. Et si je vous dis Paul Rudd, quand même. Paul Rudd. Paul Rudd. Ouais. Ant-Man. Ouais. Ah oui, wow. Ouais. Paul Rudd, voilà. C'est Ant-Man. Voilà. D'accord. Et donc ça a commencé et ça a commencé la carrière de ces deux acteurs. Est-ce que Faye, tu peux nous parler un peu de Clueless, même si c'est pas génial? Alors bon bah c'est un film qui est culte pour certaines personnes, mais pas trop pour moi, toi. Je dois vous dire. Moi, j'ai pas et vu. C'est un feu. Alors, je sais pas. Pour moi, j'ai vu que la série télé, en fait. Pour les plus vieux, je ne sais pas si vous connaissez un dessin animé qui s'appelle BCBG. Mais en fait, Clueless, c'est un peu la même chose. C'est dans lumière, une banlieue huppée avec des jeunes riches qui sont un peu. C'est à Beverly Hills, en fait, non? Ouais, un peu côté Beverly Hills aussi. Et en fait, on a Alicia Silverstone qui est un peu genre le film avec Reese Witherspoon, là, où elle est blonde. Blonde, ouais, ah. La revanche d'une blonde. Donc, c'est un peu ce style-là, vous voyez, vachement sur les apparences et tout. Et elle tombe amoureuse d'un mec qui est joué par Paul Rudd, si je me rappelle bien. Et ce gars, lui, par contre, il a pas du tout les filles dans ce genre là donc voilà, elle va essayer de changer, de se faire accepter, enfin le truc habituel, film pour ado habituel, mais qui a marqué une certaine population, génération. Voilà, génération. Et le film a été adapté en série télé qui passait à l'époque, je crois que c'était sur KD2A, ouais. Me semble-t-il, merci. Et il y avait monsieur qui faisait... Si tu veux, je te laisse faire. Vas-y, hein, vas-y, excuse-moi. Ce donc, et dans cette série, on pouvait retrouver l'acteur qui jouait Turk dans Scrubs, il a commencé un peu là-dedans. Je me suis engueulé la semaine dernière, je recommence exactement pareil. C'est voilà, c'est fantastique. Et qui, d'ailleurs, lui aussi, a joué dans Kick-Ass 2, tu vois, comics. Ah oui, c'est vrai qu'il était... Ouais. Oui, c'est vrai qu'il jouait dans... qui il jouait Captain Graviton, non, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ah ok, ouais, c'est bon, je vois. Et oui, voilà. Et Amber Benson, donc, il va faire le comics, pourquoi pas. Elle a écrit un roman, une histoire de sorcellerie un peu pour Donc à mon avis, ado. Ça va être un truc un peu le slice of life avec sur la ville lycéenne, un peu large. Bah, c'était pas très profond, enfin moi ça m'a pas... Non, je veux dire, le comics, ce sera un peu ça. Alors soit ça peut être divertissant, soit elle peut partir de ce postulat de base avec les apparences, les différentes catégories de lycéens et compagnie, ouais. Et peut-être faire quelque chose d'intéressant. Après tout, elle a été à bonne école. Oui, avec l'école Whedon. Voilà. Et ben on va passer à une autre news, une news de Faye. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux le feuilleton ou des petites infos? Ouais, vas-y, commence par le plus... On va arracher le pansement direct. On va se faire mal. Et on va parler de Warner. Allez, je sais, ça vous manquait. VVS. Ça vous manquait, mais nos amis Warner n'ont pas chômé cette semaine. Alors, on va commencer avec Man of Steel 2. Eh bien, nos amis ont décidé donc de le mettre en chantier. Et ils aimeraient, dans le rôle du réalisateur, Matthew Vaughn, rappelez-vous, ah, il a énorme, fait First Class, Kick-Ass, Kingsman, me semble-t-il, ouais, également. Aussi, ouais. Donc, est-ce qu'il va vouloir ou pas? Ouais, ouais. Ça serait génial. C'est sûr que c'est un réalisateur qui maîtrise le sujet, on va dire. Ouais. Qui est très pote avec Mark Miller aussi. Ils ont fait des Kingsman du coup et Kick-Ass. C'est du très bon travail, ouais. Franchement, au niveau adaptation comics, il a fait que des films que j'aime, donc. Ah ouais, même First Class dans les X-Men, ça se classe. First Class, c'est moi, c'est vraiment le meilleur. Ouais, moi aussi, c'est mon préféré. Après, Logan peut-être. Ouais, mais Logan, bon, c'est un peu. Après, il faut qu'il accepte. C'est juste un désir de Warner. Maintenant, va-t-il accepter ? C'est le mystère. Ça m'étonnerait. En tout cas, dans les news que je vais vous citer, c'est la seule bonne décision qu'il prenne. Je crois qu'il avait déjà refusé Superman, non ? Alors, il me semble qu'il ne voulait pas trop refaire de films de super-héros, de choses comme ça. Ouais. En plus, il doit faire Kingsman 2. Ouais, il va faire Kingsman 2. Je crois même qu'à un moment, il parlait de faire un Kick-Ass 3, mais ça m'étonnerait. Mais Kingsman, c'est pas vraiment un film de super-héros, c'est plus d'adaptation. Non, mais c'est tiré de comics. Ouais, d'un comics, mais c'est pas tout à fait le même genre. Toujours Mark Millar, quoi. Ouais. Donc on continue. Suicide Squad 2, vous l'attendiez, j'espère. Non. Eh bien, il avance. Ils ont pas osé. Si, mais vous allez bien rire. Il a trouvé un scénariste dans la personne de Adam. Alors attention, pour le premier, il y en avait Gonzard, pas. Hein. Je crois que ça se prononce, qui est le scénariste de la légende de Tarzan. C'est pas génial, c'est pas fou. C'était regardable, mais pas fou. Ouais, ouais. Et dans les bonnes nouvelles, on continue avec Aquaman, repoussé de 2 mois, qui passera donc du 5 octobre au 21 décembre 2018. Donc en même temps que Star Wars. Alors Star Wars devrait sortir une semaine avant à peu près le Han Solo. Ouais, le Han Solo, mais bon, est-ce une bonne décision ? Qu'est-ce qu'on va aller voir, Aquaman, Star Wars, Aquaman ? Ouais, mon cœur balance. Star Wars. Et là, vous l'attendiez ? Le Batman, eh bien, il est encore repoussé. Ouais. Mais quelle surprise, les amis. Pourquoi ? Eh bien, parce que Matt Reeves, le nouveau donc réalisateur, est en train de finir son travail sur La Planète des Singes 3 et il ne pourra commencer le travail de pré-production qu'à partir de juillet. Donc, pour l'instant, il y a zéro casting. Le scénario est encore en train d'être réécrit. Si, il y avait un casting, mais il est même plus sûr de l'être. Non, mais je peux faire ma news ? Vas-y. Si tu veux, je te donne mon téléphone. Fais gaffe, ça va parler, là. Vous avez vu ça ? Allez, vas-y. Pour me dire ce que je dois dire. Oui, parce que je sais pas si quel manque de correction. Mais je l'ai écrit. Si tu me laissais dire, tu le saurais. Vas-y, je te laisse faire. Bon. Surveillez-le. On le surveille, t'inquiète. Bon. Je me mets un scotch sur le pied. Donc, je reprends, mes chers auditeurs. Donc, le scénario est encore en train d'être réécrit. Il n'y a pas de casting. Et le personnage de Deathstroke, qui devait être le méchant, eh ben, risque de passer à la trappe. Donc là, je pense que c'est peut-être une bonne chose de repartir à zéro. Ah oui. Et de peut-être prendre le temps et d'arrêter les conneries, les amis. C'est peut-être c'est Manglioto là qui a défendu le film il y a quelques semaines, qui doit en avoir un peu les boules. Vous maintenant. Le voyez pas, mais je fais un joli geste. Je comprends pas pourquoi il repart pas sur un scénario original là, parce que. Mais je crois qu'ils veulent réécrire le scénario. Mais c'est ça en fait, ils vont c'est clairement le problème. Zéro, c'est pour ça que les réalisateurs avaient beaucoup de mal à rejoindre le film. C'est à chaque fois qu'ils lisaient le script, les mecs ils se barraient quoi. Donc du coup. Ça prouve qu'il devait être vraiment. Donc Reeves, à mon avis, il a dû négocier dans son contrat de devoir retoucher le script ou. Et Matthew Reeves, c'était celui qui a fait La Planète des Singes du coup. Oui, c'est le ça, il a fait le 2 et le 3. Et qui sont d'ailleurs pas mal. Et il a fait Cloverfield, un film que j'adore et que je vous conseille. Un bon réalisateur, alors. Hein ? Je pense c'est un bon réalisateur, ouais. Je pense que là, on passe sur des bonnes voies. En tout cas, moi, avant, j'aimais Zack Snyder, mais... Il y avait de l'idée. Ouais. Et alors, du coup, mes chers amis, eh bien, il faut trouver comment remplacer ce Batman qui est donc repoussé à 2019. Eh bien, la Warner cherche un film parmi ses cartons. Donc, on a le Flash qui a perdu réalisateur, scénario réécrit. Ils travaillent sur les Gotham Sirènes qui essayent un peu peut-être d'accélérer la production du coup pour remplacer le Batman. Il y a aussi une possibilité pour travailler sur un Green Lantern. Donc ça, il n'y a pas Ezra Miller qui devait l'écrire ou je ne sais pas quoi le réaliser. Alors, il est sur les sirènes de Gotham, je crois. Okay. Mais il a aussi, je crois que j'ai vu, soit du coup Green Lantern Corps ou Suicide Squad 2. Non, il n'y a pas un truc comme ça Je pense qu'il risque peut-être de bosser sur les deux. Hein, en tout cas, s'il nous sort un film à la va-vite pour remplacer le créneau Batman, connaissant la Warner, ça va faire mal. Ouais. Ah, c'est ça. On sent une volonté de se reprendre en main, mais ce n'est pas encore ça, les cocos. Mmh. Alors, bon, écoutez notre émission, écoutez nos conseils. Prenez des gens de qualité. Voilà. On va rester dans DC. Moi, je vais vous parler d'Urban un peu. Et je vous avais parlé quelques semaines du reboot, relaunch, on ne sait pas trop quoi, de DC Rebirth qui va pas tarder en librairie chez Urban. En mensuel ou en librairie ? Et bah, du coup, là, je vais vous parler des kiosques. Ah, okay. Donc on en sait un peu plus. Le premier kiosque qui va nous arriver, bon bah c'est DC Rebirth de Geoff Johns, que j'avais lu, qui est vraiment très cool. Donc il va arriver dans Justice League Rebirth hors série numéro 1. Et en même temps, ça arrive au mois de mai. Il y a deux titres qui vont arriver au mois de mai. Donc il y a le Justice League Rebirth hors série numéro 1 avec le truc de Geoff Johns. Et en plus, le premier de ce que je vous avais déjà parlé dans la relance de leur kiosque, ils vont faire tous les mois un truc qui s'appelait les récits complets DC. Ouais. Et là, il va y avoir le premier récit complet d'ici qui sera consacré aux Titans, donc avec Titan Rebirth et Titan de 1 à 6. Donc moi je trouve ça assez cool. C'est génial. Et ce sera pour un prix découverte de 5€ je crois. Ouais. Donc sympa ça. C'est cool. Ouais, pas mal. Un petit c'est comme si vous aviez une librairie pour le prix d'un ça permet aussi au nouveau de pouvoir arriver sur l'univers DC. Et ça permet aussi de publier des trucs que, genre les Teen Titans, on les avait jamais eu en librairie, et là on va enfin les avoir, ça c'est vraiment cool. Et au mois de juin va arriver Batman Rebirth, donc qui va contenir Batman 1 et 2, Detective Comics 934 et 934 à 936, Nightwing Rebirth et Nightwing 1. Et en juillet, vous aurez, je sais plus si c'est Détective... Non, c'est... Superman Rebirth ? Non, c'est encore dans Batman, je sais plus quel titre, je l'ai pas noté. Bon, il y aura un autre titre en plus. Donc moi, c'est un kiosque que j'achèterai. De toute façon, je pense que je vais tout acheter au niveau Rebirth. Rebirth, j'y suis sur Rebirth et Batman, en tout cas. Je pense que c'est sûr, et récit complet aussi. Moi, j'avoue que tu m'as donné la curiosité de découvrir ça. Alors, le même mois, vous aurez Justice League Rebirth 1 avec Justice League Rebirth, Justice League 52, Action Comics du 957 au 958, Flash 1 et 2, Al Jordan et The Green Lantern, Al Jordan et The Green Lantern Corp Rebirth. Donc okay. Voilà. Est-ce qu'on a des dates de sortie pour les enfants de Batman et Superman Non, pas encore. Ça, pas encore. De toute façon, dès qu'il y a une date, on le dira. À mon avis, ce sera dans Justice League ou peut-être en librairie. Ah, peut-être. Et le mois de juin, le récit complet Rebirth, ce sera sur Batgirl, puisqu'on aura droit à Batgirl and the Bird of Prey Rebirth et Batgirl and the Bird of Prey de 1 à 6. Donc, encore un titre qu'on n'avait jamais eu encore en librairie ou même en kiosque. Je trouve ça assez cool, ça permet de découvrir plein de trucs. Clairement. Et c'est sympa. Et il y a un truc qu'on peut noter, c'est que sur tous ces titres qu'on a vus, il n'y a pas un seul titre Wonder Woman, alors que le film arrive bientôt. C'est parce qu'ils vont tous sortir d'un coup en librairie. À mon avis, on va avoir une exclusivité en librairie. Et le mois prochain, on en saura plus, parce qu'en juillet, il y aura, en plus de Justice League Rebirth et de Batman Rebirth, un Suicide Squad Rebirth. Donc on connaît pas encore ce qu'il y aura dedans. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas vite fait en quoi ça consiste le kiosque, parce que alors le kiosque c'est la différence de la librairie, vous avez toute une série d'un coup ou plein de séries qui se ressemblent d'un coup dans un format dur fermé, cartonné, relié, ouais. Et le kiosque c'est un truc que vous allez tous les mois qui coûte à peu près 5€, 6€, où vous avez des numéros de plein de séries différentes, et tous les mois vous avez les mêmes séries qui reviennent, et là chez les marchands de journaux et aussi, on retrouve ça chez marchand de journaux, ce qu'on appelle le kiosque. On l'avait déjà expliqué, mais en mai, n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans les comics, ça peut. Ouais, et c'est une bonne porte d'entrée. En plus de ça, en librairie, vous aurez. C'est en avril ou en mai déjà? C'est en mai, ça. Tout ça, c'est en mai. Okay. En mai, en librairie, je l'ai pas dans la news, mais ils en avaient parlé avant. Vous aurez pour pas cher, je crois, 20€, un truc spécial avec tous les numéros 1 de tous les numéros Rebirth. Donc ça vous permettra de savoir. Qu'est-ce qui vous tente en lisant le numéro 1, quelle série vous tente ou quelle série ne vous tente pas. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Ah ouais, carrément. Moi je suis contente qu'il y ait du Bird of Prey, parce que j'avais suivi au niveau des New 52 et j'avais bien aimé. Donc moi j'ai bien envie de lire la suite. Ouais, voilà. Moi aussi ça m'a hypé beaucoup. On va passer à une autre news. Et on va essayer de passer vite parce qu'on a plus beaucoup de temps. Eh bien je vais juste faire vite fait quelques petites news Marvel, vas-y. Au cinéma. Faire cinéma-série. Alors déjà, contrairement à ce que je pensais, et avec étonnement, la série Légion a été renouvelée pour une saison 2. Ouais. Bah pourquoi pas. Est-ce qu'il paraît les autres épisodes sont un peu mieux? Ouais, alors j'ai encore un peu de retard, mais les épisodes sont pas mal et il y a pas mal de bonnes réactions sur Internet, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis, autre nouvelle assez surprenante, c'est Sony qui a annoncé la sortie d'un film Venom. Ouais. Cool. Mais ça fait un moment qu'ils l'ont dans les cartons, celui-là. Tout à fait, il y avait pas mal de problèmes de production. Et là, ils annoncent une sortie pour le 5 octobre 2018. Allez. Rappelez-vous, il y a un film qui a été déplacé à cette date, du 5 au 21 décembre. Nous en avons parlé précédemment. C'est Aquaman. Ouais. Et du coup, ils ont dit, tiens, Aquaman sort pas, créneau libre. On va placer notre film. Ouais, mais en fait, ça crée un gros problème que ce soit Sony qui le sort, parce que du coup, ça sera pas dans l'univers du Spider-Man qu'on va avoir actuellement. Exactement. Et ça sera un Venom sans Spider-Man. Et enfin, moi, je trouve ça un peu bizarre. Le personnage Spider-Man. Je suis d'accord avec Sony, toi. Surtout qu'il y a zéro réalisateur, zéro casting, zéro scénario. Et surtout qu'on l'a pas instauré dans les dans l'univers encore. Bah ouais. Dans la version non, mais ça sera Sam même Rémi, pas ça sera même pas dans The Amazing Spider-Man, du coup ça sera même pas lié à ça veut... à moins qu'ils fassent un partenariat, puisque là Sony fait un partenariat avec Marvel là, pour là, le là ça serait grave intelligent et ça donnerait un putain de bon film, mais là bah donc ça veut dire qu'on aura un autre film Spider-Man mais consacré ouais, à Venom. Ça veut rien dire, les gosses ils vont être perdus, ils vont voir Spider-Man, ils vont faire Venom et pourquoi ils sont pas ensemble. C'est pour ça que là ça serait peut-être nécessaire d'avoir un partenariat Marvel Sony, un vrai partenariat sur tout l'univers Spider-Man et pas juste le personnage Spider-Man, parce que là je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous faire les sorties vite fait en une minute? Oui, alors bon bah il y avait pas grand chose cette semaine, j'ai retenu juste deux sorties qui je pense vont vous parler. Donc il y a le titre Harbinger donc de qu'on va vous parler aujourd'hui, on l'a pas dit après, donc ça vous donnera peut-être envie de l'acheter et je peux vous dire déjà vite fait oui, achetez-le. Et il y a le tome 5 de Preacher qui est une série plutôt sympa que j'ai découvert grâce à la série télé et je suis en train d'essayer de me mettre aux comics et franchement c'est sympa, c'est complètement déjanté. De oui voilà, le dessin il faut un peu s'habituer mais vraiment ça vaut le coup les amis. Donc là ils en sont au tome 5, vous voyez c'est pas très très loin, vous pouvez vous faire tous les tomes à la suite. C'est chez Urban, ça. Plaisir, voilà, c'est considéré Urban comme un classique quand même. Ouais, ouais, c'est vraiment... Tout le monde le conseille en tout cas. Non mais vraiment, c'est même si vous êtes pas trop voilà, super héros machin, là c'est déjanté, c'est une histoire sympathique. Franchement, c'est qui je déjà vous conseille. C'est Garcenis. C'est Garcenis, ouais, et Garcenis. Steve Dillon. Voilà James. Et bah comme on tu nous l'as dit tout à l'heure, après on va vous parler de Valiant, on va faire la première pause musicale. On a un invité donc on va avoir Florent Delatine, je crois, excuse-moi si j'écorche ton nom. Qui est le fondateur de Bliss Comics grâce à qui on a le droit à avoir Valiant en France, ce qui est vraiment cool. Ouais, et après l'interview, on va vous parler de chacun on a choisi un titre de l'univers de Valiant. Voire plusieurs, oui, parce que moi j'en ai pris deux et je crois que Faye en a deux. Ouais. Et on va vous donner envie de lire du Valiant. Et la première pause musicale, c'est Chuck Berry, et j'ai oublié le titre, mais c'était pour Johnny rendre hommage. Ah non, c'est pas celle de Pulp Fiction, You Can Tell, je sais pas quoi là. C'est ouais, You Can Tell. Il y a Kevin, You Can Tell, Never Tell. Voilà, ouais. C'est la musique qu'il y avait dans Pulp Fiction. Oui, la scène où il danse. Comme il est mort ce week-end, je crois. Donc voilà, c'était pour lui rendre hommage. Mort dimanche. Un grand musicien. Ah ouais. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. secondes. Et c'était Chuck Berry, et du coup, on va vous parler de Valiant, mais avant ça, on avait quelqu'un au téléphone qui va mieux en parler que nous, je pense, et c'est Florent. Je vais essayer de ne pas écorcher son nom. C'est Florent Desglatagne, c'est ça ? C'est parfait. Voilà. Et donc, qui a fondé Bliss Comics, donc merci beaucoup de nous prendre au téléphone. Mais c'est merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours un peu de fan de comics ou de lecteur de comics avant de parler de Valiant ? Alors, je lis pas des comics depuis des décennies. Ouais. Moi, j'ai 29 ans. J'en lis depuis 5 ans, quelque chose comme ça. Oh, c'est déjà pas mal. Hein. Ça permet de faire déjà une bonne culture. 5 ans à peu près. Voilà, je suis tombé dedans avec l'arrivée d'Urban Comics, notamment sur le marché français et d'ici, voilà, ça a donné quand même pas mal d'expositions aux comics en France. Et puis après, voilà, j'en ai dévoré principalement en anglais par centaines. Ok. Et comment t'es passé de lecteur à l'édition ? C'est pas vraiment, c'est un peu fortuit, c'est un peu un... j'étais un peu à la croisée des chemins professionnellement il y a un an et demi de ça, ouais. en septembre 2015, septembre-octobre, et j'ai eu cette opportunité-là, voilà, je quittais mon boulot, je cherchais autre chose, et c'était l'occasion de monter ce projet-là. Okay. Et en plus justement Valiant, les droits de Valiant étaient à nouveau disponibles en France, donc j'étais là, allez hop. Ok. Et donc Valiant, c'était donc c'est par opportunité ou c'est parce que tu étais déjà fan de Valiant, tu aimais déjà cet univers et tu... Je lisais en anglais les publications originales depuis quasiment leur début, leur relance en 2012. Ouais. Et effectivement, je suis un très très gros fan et j'aime beaucoup cet univers qui est très très diversifié, très accessible, qui vraiment un vent de fraîcheur dans le super-héros classique. Donc ouais, j'étais déjà très très très très fan à la base et c'est évidemment ça qui m'a attiré, quoi. Quand j'ai vu que les droits étaient abandonnés en France, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose à faire, il faut que les éditeurs français méritent de lire du bon. Ok, et bah du coup comme on en parlait, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'univers de Valiant et ce que tu fais avec Bliss Comics ? Alors, Valiant Comics, c'est un univers de comics comme celui de Marvel ou de DC. C'est-à-dire, c'est un univers partagé avec plusieurs personnages qui partagent, voilà, parfois se croisent, parfois se rencontrent, comme Marvel ou DC Comics finalement. C'est un univers intéressant, il est né en 2012, évidemment un peu moins de personnages que DC ou Marvel. C'est un univers qui est très accessible. Qui est aussi un peu plus réaliste et souvent avec un ton un peu plus adulte que DC ou Marvel. Adulte, c'est-à-dire forcément violent, mais ça veut dire que les auteurs qui travaillent sur les séries Valiant ont pas mal de liberté. Et du coup, on est un petit peu à mi-chemin finalement entre du super-héros classique et du comics indépendant où il y a une vraie liberté de ton en fait. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes pour moi, c'est comme ça en tout cas que je vois l'univers Valiant, c'est ça qui m'attire. Ok, et pour Bliss Comics, est-ce que tu penses faire que du Valiant ou si tu vas t'ouvrir à d'autres éditeurs et si tu peux nous présenter 2-3 titres de Bliss Pour le moment effectivement sur Valiant parce qu'ils ont pas mal de titres, enfin en tout cas bien assez pour m'occuper de nombreuses heures par jour et occuper les lecteurs aussi. Ouais. On en est à 16-17 titres là depuis avril l'année dernière, quand même, donc ça commence à faire durer pas mal. Deux trois titres, le titre qui va sortir dans un peu moins d'un mois, qui s'appelle Faith. Ouais. Que j'aime particulièrement, qui est vraiment un énorme coup de cœur et la plus grosse sortie pour nous de l'année. Mmh. Qui est en fait la première héroïne plus size, la première super héroïne plus size, tout simplement. Okay. C'est un peu une accroche, ça a l'air un peu racoleur comme ça, mais en fait c'est c'est très très frais et très très enthousiasmant et très positif comme comics. C'est un vrai vrai vrai best-seller. C'est un best-seller aux États-Unis et on espère vraiment que ce film va fonctionner en France. Ça mérite vraiment beaucoup beaucoup. Et du coup, faudra avoir lu Heartbringer pour lire Face ou c'est complètement indépendant Non, c'est une série qui est très très accessible, qui a été faite pour être vraiment accessible. C'est la série effectivement solo du personnage de Face qui est apparu dans Heartbringer. Heartbringer qui sort d'ailleurs cette semaine. Oui. En intégrale. Justement, les complétistes pourront découvrir le personnage dans cette intégrale. Mais la série est vraiment très très très très très accessible. C'est standalone. La série, je pense que aux États-Unis, c'est tellement bien vendu. Je pense qu'on a plein de lecteurs qui n'ont jamais lu Heartbringer. Ok. Est-ce que vous avez des questions autour de la table Oui, j'en ai une. Pour les gens, en fait, justement, qui savent pas trop par quel bout commencer, quel est le titre que vous conseillerez, en fait, pour vraiment rentrer dans l'univers Alors, c'est déjà juste, j'essaie de répondre simplement. Les titres l'avantage, c'est qu'ils sont très très accessibles. Un peu tous en fait, disons. Il y a des types d'interconnexions de temps en temps, les personnages se croisent, mais en fait on peut vraiment prendre chaque série indépendamment et l'apprécier indépendamment. Et après, effectivement, si on lit tout, on a encore une vision d'ensemble de l'univers qui nous permet d'en profiter encore plus. S'il y avait un titre, c'est un one shot, c'est le premier titre qu'on a sorti qui s'appelle The Valiant, qui permet de découvrir, qui est une aventure en un seul tome, qui permet de découvrir plusieurs personnages. Mais voilà, c'est un point d'entrée. Mais après, c'est celui qu'on a choisi l'année dernière, mais après on peut très bien lire toutes les séries solo, un peu n'importe quelle série finalement, comme on veut, et en profiter. Il y a une telle diversité de tons qu'on peut y aller sans souci. D'accord, donc c'est vraiment un univers qui est très bien pour les personnes qui veulent commencer à se mettre aux comics en fait, donc c'est ça qui est génial. Complètement. Si on cherche polar, il y a du polar. Si on cherche plutôt l'espionnage, action, il y a ça aussi avec Ninjak. Il y a de l'humour très décalé aussi, assez satirique avec Archer and Armstrong et Quantum and Willy. Il y a de l'humour. Il y a des choses assez politiques avec Harbinger, qui est une série passionnante. Il y a du cyberpunk futuriste avec Rai. Il y a vraiment plein de choses pour un peu tous les lecteurs et dans tous les styles. Donc on n'a pas besoin d'être gros lecteur de comics pour apprécier ça. Ça c'est génial encore une fois. Thomas, Moi j'ai une question. Est-ce que vous comptez rééditer les premiers titres Valiant, parce que là on s'est surtout concentré sur les séries de 2012. Mm-hmm. Est-ce que vous comptez rééditer les premiers titres? Alors, l'univers d'origine qui a été créé fin des années 80, ouais. Qui a été acquitté dans les années 90. Alors c'est pas prévu pour le moment parce qu'on a déjà les électorats et certains titres ont vieilli. C'est sûr. Il y a des titres, il y a de la qualité, hein, clairement, mais c'est moins facile d'accès de par le style aussi graphique qui est un peu vieilli. Le fait que il n'y avait pas de lectorat à l'époque en France pour ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va probablement faire, mais pas tout de suite. D'accord. On peut le faire, il n'y a pas de souvent droit, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Mais voilà, vu tout déjà ce qu'on vient de sortir, c'est difficile de caser ce titre. Il faut bien réfléchir à comment sortir ces titres-là. Mais il y a des choses très très bien par des auteurs que les connaisseurs de comics admire. Après, moi je suis encore amateur sur Valiant, mais voilà, je me posais la question quand même parce que j'ai vu que c'était surtout des titres récents. Il y a des choses très très bien, mais voilà, il faut qu'on réfléchisse vraiment à la bonne manière de les sortir. Ouais, c'est sûr. Ok, et pour conclure, est-ce que vous auriez un petit truc en plus par rapport à Marvel ou DC? Qu'est-ce qu'il ferait lire à nos auditeurs du Valiant? Un petit truc, il y a plein de choses, il y a plein de choses pour défendre ma crèmerie, mais c'est vraiment ce qui est vraiment pour moi passionnant dans l'univers Valiant, c'est l'accessibilité Et le fait de ne pas avoir à se prendre la tête avec de la continuité, c'est pas comme si on essayait de lire les X-Men aujourd'hui, où il y a 50 milliards de personnages, et évidemment, on ne va pas refaire les origines de tous les personnages qu'on va croiser. Donc, je dirais c'est la diversité de ton, et si on veut des séries où les auteurs peuvent ont vraiment une grande liberté créative et où ça se ressent vraiment, où on sent que les auteurs sont passionnés par ce qu'ils écrivent. Et ils n'écrivent pas juste une aventure de plus d'un personnage qui a 60 ans d'histoire et qui est passé entre les mains de 50 milliards de personnes et qui ne peut pas finalement faire grand-chose avec ce perso parce que il faut bien qu'il y ait après le prochain auteur qui puisse jouer avec, etc. Voilà. On a vraiment la passion des auteurs et des dessinateurs se ressent vraiment sur les titres par leur liberté et c'est ça pour moi le plus gros atout de Valiant. Ok, bah merci beaucoup de nous avoir présenté l'univers de Valiant. Merci à toi. Et ben nous on va continuer et on va vous parler de plusieurs titres. Et Florent, on te dit à une prochaine peut-être pour d'autres titres Valiant et on te souhaite vraiment bonne chance pour beaucoup de courage pour la suite de l'aventure. Et beaucoup de succès parce que ça le mérite. Beaucoup de succès surtout, ouais. Merci infiniment, ça me plaît beaucoup. Bonne soirée. Et ben merci à toi. Au revoir. Bonne soirée. Et on va commencer. Qui c'est qui veut commencer par nous parler de. Chacun a choisi un titre ou deux. Je pense qu'il vaut mieux commencer par le titre du coup du Valiant. Ouais, Faye qui veut nous parler de. Bon, le titre que Florent me disait, du coup, The Valiant, ouais. La porte d'entrée. Le premier truc qu'ils avaient sorti pour la PCE, justement. Moi, je sais que je les avais pris à la PCE. Tout à fait. Vas-y. Parce que tu m'as dit de lire plusieurs titres. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'univers, donc voilà. Et j'ai commencé donc par lire The Valiant, qui a été écrit par Jeff Lemire, qui a travaillé notamment sur Animal Man, Green Lantern, Justice League. Donc, c'est du caca. Pas grand chose. Enfin, oui, voilà. Truc. On a aussi Matt Kind. Comme ça, je pense bien. Oui, je crois que c'est ça, oui. Voilà. Alors, apparemment, j'ai vu qu'il avait travaillé sur du Suicide Squad et sur Frankenstein, Agent of Shed. Alors, pour avoir lu Frankenstein, c'est pas terrible. Oui, donc, c'est vrai que c'est pas le meilleur. Ouais, c'est pas le meilleur. Du relaunch, c'était. C'était les New 52, ouais, moi New 52, découvert oui, ça. Effectivement. Donc c'était pas terrible. Et ensuite, on a la famille Rivera, donc Paolo et Joe, qui s'occupent des couleurs et du dessin. Oui, c'est voilà. Paolo Rivera, Paolo Rivera qui fait ça. Donc lui, il a travaillé sur Hellboy, Daredevil, Captain America, Spider-Man. Et Joe Rivera, lui, il a travaillé notamment sur Howard le Canard, Daredevil, enfin pas mal de Marvel. Ouais. Donc une bonne équipe quand même. Donc ce titre en fait est comme une sorte d'event qui va vous permettre d'avoir un aperçu des différents héros qu'on peut rencontrer dans le monde donc de Valiant. Donc je vous fais en gros une petite liste des persos comme ça on va s'y retrouver. Donc on a le guerrier de l'éternel, magnifique, il est dont le titre va sortir dans pas longtemps mais voilà. Donc il est immortel, c'est cool. Enfin bref, je vous expliquerai un peu plus après son histoire, c'est tragique. Il y a la géomancienne qui est en gros un personnage qui est censé garder la Terre. Mais je crois qu'on la reverra pas elle. Oui, mais je pose un peu parce qu'il y a beaucoup de persos avant d'expliquer l'histoire. Donc on a Bloodshot qu'on va reparler tout à l'heure, ouais. Qui est un espèce de soldat surhumain qui est amnésique en gros, enfin mais qui est assez cool. On a un personnage qui s'appelle Armstrong, c'est ça ? Ouais. Voilà. Dont Romain va nous parler tout à l'heure. Oui. Voilà, qui est le frère du guerrier de l'éternel. Suivez bien, oui. C'est Dallas. Hein. On a ensuite un gars qui s'appelle Neville dans l'histoire, qui est un agent d'un truc qui s'appelle MI6. Donc vous connaissez, c'est le truc en Angleterre, là, avec Spion Patati Patata. On a un perso qui s'appelle, alors c'est dur, Ixo Manowar. C'est voilà, bon, tu as parlé. Ouais. Thomas qui est un guerrier avec une arme assez sympathique. Une armure assez sympathique. Invincible. Ouais, c'est un peu genre Iron Man, mais en plus cool. Il y a 10 000 noms. Excusez-moi. On a un nom qui s'appelle. Alors, je sais pas si j'ai bien. Je pense que ça sert à rien de faire la liste des personnes. Il y a un gars. Bon, on va faire plus simple. Il y a un gars, c'est un maître de combat. Un ninja robotique, je crois. Bon, il y a un colonel Jamie Capshaw. Qui est du Get Global Agency. Je sais pas ce que c'est. Oui, ça sert à rien de faire du name dropping. Voilà, mais je vous dis un peu tous les noms qu'il y a on se repère. Et donc l'histoire, en gros, vous avez le gardien de l'éternel qui doit protéger la géomancienne. Parce qu'en gros, en fait, le gars, depuis la nuit des temps, il est censé protéger donc ses gardiens de la Terre. Et il y a une bête, en fait, qui vient et qui les bute. Et à chaque fois qu'il en bute un, il fait une marque sur le visage de ce guerrier. Et donc le gars, il a un peu les boules parce que ça fait des siècles et des siècles qu'il voit les gens crever. Donc là, il dit, ok, c'est bon, je vais faire une super équipe. Alors il va voir tous les persos que je vous ai cités avant. Vas-y, aide-moi, patati patata. Et vont tous s'allier pour se battre donc contre cette bête et protéger donc la jeune nouvelle géomancienne, je vais y arriver, qui s'appelle Kay. Mais du coup, vont-ils y arriver ? Tel est le mystère. En tout cas, c'est un titre qui est quand même assez accrocheur, qui a beaucoup de scènes d'action, on va dire, assez gigantesques. On découvre beaucoup trois personnages, enfin, trois personnes qui sont assez mises en avant. Oui, James ? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment écrit comme un gros event, ouais. Donc ouais. Il y a plein d'actions, il y a plein de personnages de partout. D'accord, donc tu répètes ce que je viens de dire. Oui. Voilà. C'était une intervention au capital. Oui, exactement. Voilà, merci James. Ouais, c'était moi. J'ai levé la main, j'aurais pu couper, mais j'ai levé la main. Oui, il a levé la main pour répéter. Comme ça, vous avez bien compris, c'est un event, les enfants. Voilà, donc c'est très très sympathique. On a un aperçu de tous les persos. On a surtout le perso de Deadshot qui est mis en avant, le guerrier de l'éternel qui est mis pas mal en avant aussi. Bloodshot, c'est pas Deadshot. Deadshot, c'est un autre personnage. Alors attends, c'est Deadblood. Vous voyez, même moi je m'y perds. C'est ça qui est un peu embêtant dans les noms, c'est parce que ça ressemble un peu en fait à d'autres persos qu'on c'est connaît. Bloodshot. Et Bloodshot, on va y arriver. Bloodshot. Et je l'ai lu, hein. Ça aurait été si je l'avais pas lu. Bref, le dessin est sympa parce qu'il y a un côté un peu rétro, je trouve. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait, dans les couleurs. Il y a des couleurs assez grises, assez sombres. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le design de l'espèce de bête qu'il y a dedans, qui, en fait, est assez original parce qu'elle utilise les peurs des personnes qu'elle combat pour justement les affaiblir et ensuite pouvoir les tuer. Et c'est super bien fait, elle a un côté très croque-mitaine. Ça m'a fait penser à plein de films, à plein de séries que j'ai vues, il y avait un peu le même système. Je pense que vous allez vous y retrouver dedans, même si vous vous y connaissez pas en comics, vous allez vous y retrouver. Oui. Il y a un petit côté Burton dans cette... Ouais, il y a un côté un peu l'homme tordu dans... Ah oui, c'est vrai. Dans Conjuring 2, vous voyez, enfin, voilà, il y a des côtés très manga aussi. Tu sais, ça m'a fait penser dans... comment il s'appelle le truc avec la mort, là, le manga. Tu sais qu'il y avait une BSE qui poursuit, qui disait Orihime, là, à chaque fois, là, ça m'a traumatisé. Bleach. Bleach, voilà. Ça m'a rappelé Bleach. Bon, bref. Donc, vous voyez, ça va vous faire rappeler vraiment plein d'univers. Vous allez pouvoir faire plein de liens et tout, vous allez pas vous sentir perdu. Et c'est vrai qu'on rentre super facilement là-dedans, même si c'est un event, on peut dire, ah, mais voilà, je n'ai pas lu les autres trucs, je vais pas comprendre. Non, ils arrivent à bien nous resituer chaque personnage. Et à la fin, on n'a qu'une envie, c'est justement de lire les autres titres pour voir un peu qui fait quoi, quelle est leur vie, en savoir un peu plus. Donc, franchement, je vous le conseille, parce que j'ai passé un très très bon moment, et ça se lit vite. Ok, on va passer à mon premier titre qui est Bloodshot Reborn parce que en fait ça fait complètement suite à l'event de The Valiant. Donc après l'event de Valiant, Bloodshot Reborn qui est un soldat en fait qui à l'intérieur de son corps a des nanites, donc c'est une espèce de mini robot de l'ordre du nanomètre ou nanocentimètre qui a partout dans son corps et en fait à chaque fois qu'il prend une balle et ben, les nanites reconstituent son corps et c'est une espèce de... Pour vous expliquer un peu le personnage, c'est un peu un Wolverine qui aurait rencontré le Punisher. Ouais. Donc le mec est un peu a fait un peu à la Wolverine. Il a subi plein d'expériences. Il est immortel, ouais. Et il a subi plein d'expériences dans un espèce de groupe bizarre, un peu secret, un peu voilà. C'est un peu pareil, c'est ça, ouais. Et donc il est amnésique et il a subi ça. Et après The Valiant, il arrive malheureusement, enfin heureusement, il y a un truc qui lui arrive. Il a plus ses nanites. Et donc on arrive avec ce statut là où le monsieur n'a plus ses nanites et il essaye de survivre en essayant de se rappeler qui il est et malheureusement pour lui le monsieur commence à avoir des hallucinations et il voit une espèce de version de lui-même en cartoony qui veut le pousser à tuer des gens et donc lui il dit non je peux pas, il faut que je retrouve une vie normale tout ça nanana et en fait il se rend compte que les nanites qui ont fui son corps elles sont allées infecter d'autres personnes et en fait elles les poussent à tuer des gens comme ça un peu random et en fait il se rend compte qu'il va devoir avec l'aide de son espèce de sidekick rigolo un peu trash et avec quelqu'un qui l'a tué de son passé donc ces espèces de fantômes qui le poursuivent, il va devoir tuer ces personnes qui sont infectées par les nanites pour les récupérer et redevenir le Bloodshot Reborn, enfin Bloodshot parce que Bloodshot Reborn c'est le nom du titre. Donc le premier titre est vachement bien, il est vraiment très très bien. Moi j'ai lu ça d'une traite et c'était vraiment vraiment très cool. C'est encore écrit par Jeff Lemire qui est vraiment un super écrivain et c'est dessiné par je ne sais plus trop qui, je vais vous dire ça de suite. Il y a pas mal de noms Nico Swan, enfin des gens dont j'ai pas noté, enfin, je suis désolé, j'ai pas fait mon travail comme il fallait et par dans le premier tome en tout cas c'est vraiment très beau. J'étais un peu moins fan du deuxième qui est bien mais qui est un peu moins cool. Moi je vous conseille vraiment de lire le premier si ça vous a plu, lisez le deuxième et je crois que le troisième remonte un peu la pente, donc allez jeter un coup d'œil à ça. Oui, tu voulais parler. Ouais, ce que je veux dire, c'est que ce que j'aime, c'est que c'est vraiment la psychologie des personnages, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est bien travaillé, on sent qu'il se pose des questions, qu'il se tiraille. Enfin, on arrive quand même à avoir une certaine empathie avec le personnage, même si son histoire, bon, c'est quand même assez violent. Là, pour violent, le coup, c'est un récit très mature, et ouais, avec pas mal de questions. Et en fait, tu vois, si je le rattachais à un truc, ça pourrait être genre Wolverine Origins, mais en plus intelligent. Dans la démarche du truc. Quoi. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait un côté un peu, je sais pas, ça m'a... quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à ça, en fait. Ok, on va passer à Romain. Oui, alors moi je vais vous parler de Archer et Armstrong, qui est un intégral, là par contre c'est pas le numéro 1, c'est plus de 800 pages de comics pour 50€, on va pas faire un petit tacle à la concurrence avec les omnibus, mais bon, avec pléthore de bonus, plus un interview de l'auteur qui nous parle un peu de son rapport avec la religion, etc. Très intéressant quand... pour après appréhender le comics. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai pris le quatrième de couverture, hein, j'ai pas été chercher. Vas-y, fais ton plaisir. Alors c'est Obadiah Archer qui est un jeune idéaliste endoctriné dans la secte de ses parents et entraîné à devenir un assassin sans pitié à leur ordre. Ses parents vont lui confier la mission de tuer le seul être capable d'empêcher leur plan de domination du monde. Donc c'est cet être qui c'est? Bah c'est Armstrong, bien sûr. C'est un colosse immortel parcourant le monde depuis des milliers d'années. C'est un amoureux de la bonne poésie, de la bonne chair et de la bonne bière. Un bon vivant, en somme, qui passe d'aventure en aventure aussi facilement que d'un bar à l'autre. Ils aiment bien Wolverine. Ouais. Ils aiment c'est bien les immortels, Wolverine, surtout. Mais bedonnant. Ah, lui, il est bedonnant, bon vivant. Ouais, par contre, sur la bière, là, il se rejoint, mais sur les femmes, un peu moins. Parce que Wolverine, on sait qu'il a un rapport avec les enfants. C'est... avec avec Icuriette, justement. Ouais. Enfin, Squirrel Girl. Ouais, Squirrel Girl, ouais. Et du coup, Archer va vite se rendre compte que le véritable mal, c'est la secte qu'il a élevée. Il va donc s'allier à Armstrong pour sauver l'humanité du contrôle de la secte sur celui-ci. Avec ces deux personnages, on va voyager aux quatre coins du monde et du temps pour déjouer des conspirations planétaires et lever le voile sur les plus grands mythes de notre histoire. Wow. Voilà. Wow. Magnifique. C'est super bien écrit. Je l'ai écrit avec une plume, attention. Ça donne beaucoup envie. Donc voilà, donc ça c'est le speech de base, mais... Le pitch de base, j'ai dit quoi? T'as dit speech. Ah, speech, ouais. C'est t'inquiète, il m'a fait chier aussi. Genre ça, c'est pas le même mot. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais. Et donc, du coup, mais l'auteur, donc Fred Van Lente, ne se repose jamais dessus. Il nous écrit une histoire qui sait se renouveler et nous surprendre à chaque arc. Il y en a 5 en tout dans le livre. Il aborde différents thèmes qui fascinent l'imaginaire collectif, comme les théories du complot, la zone 51, les extraterrestres, le Da Vinci Code. Ça fait beaucoup penser à Planetary, d'ailleurs, vis-à-vis des thèmes abordés. Et vraiment, ce qui est excellent dans ce comic, c'est le ressort comique du duo qui oppose Archer à Armstrong. Les deux n'ont vraiment rien à voir. D'un côté, on a Archer qui n'a jamais eu aucun contact avec l'extérieur depuis sa naissance jusqu'à ses 18 ans. Il est endoctriné dans une secte, dans le QG, dans un parc d'attractions qu'on retrouve un grand 8 au-dessus de l'Arche de Noé. Enfin, je vous laisse imaginer un peu le délire. Et après, Armstrong, donc alcoolique, dépravé, oisif. Donc ça fait vraiment beaucoup d'humour distillé entre plusieurs scènes d'action. C'est une série vraiment fun, bien barrée, qui va à 1000 à l'heure. Et qui n'est pas sans fond, puisque l'auteur aime beaucoup nous questionner, donc sans ironie d'ailleurs, sur les croyances communes, est-ce qu'une société secrète dirige le monde, nos rapports avec la religion, nos idoles, l'embrigadement, l'endoctrinement. C'est un peu des thèmes qu'on avait abordés avec The Weeknd and The Divine. Ouais. C'est vraiment, vraiment excellent. Côté graphique, alors là, on a plusieurs dessinateurs, il y en a 4 en tout, mais ça reste quand même très cohérent dans l'ensemble. Il y a Clayton Henry, Pere Perez, Emmanuel Lupacino, et un quatrième qui dessine juste 2 numéros. Mais voilà, donc c'est très propre, c'est magnifique, très accessible. C'est un titre que je recommande. Sur l'intégrale, t'avais pas eu le moment alors, de... Non, il y a quelques numéros un petit peu en deçà, mais qui restent quand même de bonne qualité. Vraiment, sur l'intégralité, 800 pages, le tout reste cohérent, du début à la fin, le final est extra. Okay. Et dès le premier numéro, vraiment, on est happé dans le truc. Il y a des petites références à South Park. On retrouve des moines tibétains nazis, enfin des trucs complètement fous. C'est bon, je vais lire. C'est vraiment extraordinaire. Ça me donne envie. Hein. Ouais, c'est une bonne tranche de rigolade. Et ça introduit bien aussi l'univers violent, je pense, parce qu'on retrouve plein de personnages qui sont liés. On croise notamment Bloodshot. Il y a 2 numéros dedans et ça présente très bien le perso. Et ouais, je t'ai vu dessus. C'est excellent. Excellent. Okay. On passe à toi. Ok, alors moi je vais vous présenter Ixo Manowar, écrit par Robert Venditti, qui a notamment travaillé chez DC sur Flash et Green Lantern. Et au dessin, là on a une ribambelle de dessinateurs, parce que c'est là aussi une intégrale. Ouais. Donc du coup il y a beaucoup de numéros, plus de 700 pages. Donc du coup on a Karin Orr qui a eu un Eisner Award au niveau des dessins, qui travaille sur la première série, qui est vraiment excellent. Après Lee Garbett et Trevor Ersine, en gros c'est un travail assez régulier, le changement de dessin ne choque pas trop. Alors le pitch est assez particulier et assez original, c'est qu'on se retrouve en l'an 402 à l'époque des Romains avec Aric, l'héritier du trône Wisigoth. Donc les Wisigoths, c'est une sorte de peuple gaulois, un peu si vous voulez, c'est nos Gaulois à nous. Et ils luttent pour leur liberté contre les Romains. Je vais baisser le son un peu de mon micro. Aric, lui, va vouloir se rebeller contre ces Romains en faisant une embuscade, mais il s'avère que c'est des aliens. Donc là, ça part en couille, un peu en mode cowboy vs alien. Et Aric va être réduit en esclavage avec une partie de son peuple par ces aliens qui s'appellent les Vignes sur leur planète. Ah, ils en parlent dans Charlie Armstrong, ça aussi. Voilà. Et donc, du coup, il va un jour briser ses chaînes et se lier à l'armure Sanara, qui est une des armures qui est vue comme un dieu par la civilisation extraterrestre. Et cette armure va lui donner des pouvoirs incroyables et presque illimités. Et quand il va revenir sur Terre pour vouloir se venger des Romains, et 1600 ans seront écoulés à cause du voyage temporel. Et Aric se retrouve du coup dans notre époque. Donc ça donne un putain de Gaulois. C'est pas un Gaulois, c'est un Wisigoth qui est hyper vénère du coup d'un autre époque avec une armure en mode Iron Man mais encore plus badass. Donc c'est plutôt drôle. Le contraste est assez rigolo. Donc c'est un récit qui va vraiment, enfin c'est une intégrale mais le récit va à toute vitesse, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, franchement l'histoire est expliquée très clairement, très simplement et on avance et on s'ennuie pas en fait, c'est très divertissant. Bon après le truc un peu gênant moi que j'ai trouvé, mais vraiment un tout petit reproche, c'est que du coup vu que ça va assez vite, on s'attarde pas assez souvent sur le personnage parce que quand même le mec c'est un Wisigoth qui arrive à notre époque et... Enfin, tout ça est un peu expliqué par l'armure, mais il est pas trop choqué, tu vois. Oui, il arrive en mode normal, tu vois, il n'y a pas de souci. Parce que l'armure lui explique un peu tout. Mais à la fois, moi j'aurais bien voulu qu'on s'attarde un peu plus sur sa psychologie en mode what, qu'est-ce qui se passe. Mais on s'attarde un peu plus sur l'action. Mais c'est vraiment bien fait, du coup, c'est vachement divertissant. Le personnage, faut savoir que vu que c'est un Wisigoth et que c'est une tête brûlée, c'est un personnage super violent. Donc, du coup, on a une sorte d'Iron Man avec une armure qui peut tout faire et dégomme tout le monde, c'est-à-dire c'est un bain de sang et ça fait vraiment plaisir à voir parce que le mec a des pouvoirs quasi illimités et j'ai l'impression qu'il se donne pas vraiment de limites. Le mec va t'exterminer une race extraterrestre, y a pas de souci. Et du coup, il se bat contre quoi comme s'il C'est pas spoil parce que du coup une grosse partie du récit est concentrée sur ça, mais il va se battre contre les aliens, les Vignes, qui veulent récupérer l'armure parce que pour eux un humain ne peut pas avoir cette armure sur lui, c'est pas possible. Après au niveau des dessins, on a un très beau travail de régularité, c'est-à-dire que tout le temps, j'ai pas été choqué par le changement de dessinateur ni rien. Très bon dessin avec un bon dynamisme. Et voilà, après les corps ont une très bonne proportion. Il n'y a rien de choquant. Le dessin est vraiment. Est-ce que tu as eu le temps simple. Parce que je vais être sincère avec vous, je lui ai donné il y a 2-3 ouais, jours. Il y a 2 jours. Tu as eu le temps de lire l'intégrale que j'ai lu plus de la moitié. Donc, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que tu vas continuer ? Oui, je vais continuer. Franchement, ça m'a pas mal. En fait, le truc, c'est une fois que tu es rentré dans le scénario, tu as envie de savoir la suite et tu t'arrêtes pas. Après, comme je vous dis, le seul truc, c'est que vu que ça va vite, des fois on n'a pas trop le temps de s'attarder sur certains personnages. Ouais. Après, c'est aussi une très très bonne porte d'entrée ce comics pour le personnage parce que le personnage, je connaissais rien du tout, j'en avais jamais entendu parler et j'ai pas été choqué ni rien. Puis après, on sent qu'il y a un univers autour Valiant, on le sent parce qu'il y a par exemple Ninjak qui arrive et je connaissais pas Ninjak, du coup j'ai appris un peu à le connaître. Et du coup, je trouve que c'est vraiment bien fait cet univers Valiant. Enfin, tu peux rentrer dans une série. Et t'es pas perdu, les personnages. Ouais, t'es pas perdu. Ouais. Tu rentres dans un personnage où il y a tout un univers à côté, et pour autant t'es ils pas font perdu. L'effort de t'expliquer qui est. Voilà. Clairement, c'est exactement pareil dans Archer Armstrong. Hein, on se rend compte qu'il y a tout un univers autour, mais l'accessibilité. Ouais, voilà. Top, c'est pas parce qu'on l'a eu en interview, mais je trouve qu'il y a vraiment. Déjà, c'est des super beaux objets. Au niveau bonus et au niveau éditorial, c'est vraiment un travail de folie. Ouais. Je trouve qu'il y a ils ont vraiment à chaque fois ils savent bien expliquer qui fait quoi, qui est qui, et je trouve vraiment que c'est très très cool. Ce qui est cool, c'est que tu t'es pas perdu. Non, je me suis vraiment pas perdu. Je recommande vraiment ce titre. Après, vu que c'est une intégrale, faut avoir du courage. faut vraiment kiffer le personnage, je pense. Mais même, je pense que vraiment un amateur, il peut se lancer dedans tranquille si vous aimez l'univers Valiant. Moi je le conseille forcément. Si, j'ai un petit défaut quand même sur ces intégrales, c'est qu'ils pèsent un peu lourd. Du coup, pour ceux qui aiment lire aux toilettes, c'est un peu compliqué. Alors, il faut prendre un coussin quand vous allez. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Avant, quand je lis mon gros intégral du Seigneur des Anneaux, je prends un petit coussin, je mets le livre dessus. Parce qu'après, on a mal aux jambes. Ah ouais, ça va choquer les gens. Ah, tu vas aux toilettes, attends, je prends mon coussin. Ah ouais, bah, c'est ça quoi. On va pas faire les coups de cœur. De toute façon, on n'avait pas préparé. Et on va finir quand même, parce qu'on en a parlé tout à l'heure de. En fait, depuis le début, je le dis trop mal parce que je dis Harbinger. Je sais pas pourquoi je rajoute Harbinger, un R. C'est Harbinger. Comme il a dit, Harbinger. Ouais, donc, on va finir avec Harbinger que moi, j'ai lu en partie et Faye a lu en partie. J'en suis à la moitié. Bah, tu veux le présenter Oui, vite fait. Bah, alors, parce en fait, que ça sort cette semaine, donc autant en parler. Alors, en fait, Harbinger, c'est super intéressant. En gros, vous avez un personnage qui s'appelle Peter qui, depuis son enfance, en fait, a des pouvoirs. Donc, il entend les pensées des gens, il arrive à les manipuler. Et bon, il est pas bien et tout ça. Il a été interné, il s'échappe de chez les fous, quoi. Et il essaie de retrouver son amour de jeunesse. Vraiment, ça commence mal parce qu'il fait plein de mauvais choix. C'est un ado, il faut le dire. C'est un ado. En gros, il manipule l'esprit de la fille pour qu'elle couche avec et tout. C'est du viol, hein, je suis désolée. Et il se fait contacter par un espèce de vieux chinois déguisé en chien. Oui, c'est bizarre. Et en gros, japonais déguisé en chien. Ah non, c'est pas un chinois. C'est pas. Ouais. Et en gros, le gars lui dit oui, il faut que tu exploites ton plein pouvoir. Viens, j'ai une fondation qui est la fondation Harbinger. Ouais, tu vas voir, ça va être cool. Viens et tout. Bon, le gars, il fait ok, je viens et tout, tout ça. En fait, il est poursuivi. En même temps, il est poursuivi par une autre. Oui, non, mais c'est pour expliquer pourquoi il rejoint le truc. Oui. Lève le doigt, James. Ouais, et un petit truc qui est sympa, c'est il est poursuivi par une organisation qui s'appelle Rising Star, je crois, ou Rising. Ah oui, Project Rising Spirit. Ouais. Non ouais, voilà. Et ouais. Qui est le projet qui a fait Bloodshot. Bloodshot. Une des sectes parmi toutes celles qu'on croise dans Archer et Armstrong également. Ouais, ouais. Ok, et en fait il est poursuivi par cette secte. T'as encore des liens cool, avec. Et ce qui est cool, c'est que justement il y a aussi une histoire de futur qui peut se passer et que cette fameuse fondation essaye d'empêcher. Et il y a tout un côté. Genre, si vous avez vu le film Chronicle, il y a des choses qui vont vous faire penser à ce film là. Ouais, et c'est vraiment sympa, bien écrit. Alors, par contre, moi le seul bémol que je mettrais, c'est que pour l'instant, là où j'en suis, j'ai rencontré le fameux personnage Faith. Et je n'adhère pas trop parce que voilà, le personnage de Faith, elle est une geek, elle me ressemble. Elle a eu des problèmes dans sa jeunesse aussi, voilà, elle s'est fait emmerder et tout. Moi aussi je suis ronde, je m'en fous, je le dis. Mais la meuf, elle prend ça positivement comme si c'était rien. Et moi je suis pas d'accord parce que c'est vraiment. Mais parce que c'est un personnage qui est écrit positivement. Je m'en fous, c'est débile. Enfin, moi je peux pas. Moi je la trouve niaise. Toi tu l'as vécu comme ça, mais il y a des gens qui peuvent le vivre. Mais tu peux pas. Tu peux pas, pour avoir vécu ce qu'elle a vécu, ce que j'ai vécu, tu peux pas le prendre comme si c'était cool, quoi. Je veux dire, moi. Ouais. Moi j'ai vécu ce qu'elle mais a elle vécu. Cool, on me dit on te file des pouvoirs, des machins. Moi je prends les pouvoirs, je bute tout le monde. Et puis voilà quoi. Parce que tu parce que j'ai la haine. Est-ce que tu es du côté obscur? Je serais plus comme le personnage de Peter. Mais ouais, mais du coup ça rend encore comme le personnage de la fille ronde conne quoi. Et moi je trouve que ça m'énerve. J'ai envie de voir. Attends, excuse-moi. J'ai envie de voir. Du coup, je pense que je lirai le tome sur elle pour voir s'il y a un peu plus de développement derrière, si vraiment ce côté oui je suis trop cocoon. Et ben c'est une façade, mais là je suis assez déçue. Et après, on appelle en entier, peut-être qu'il y a. Oui, j'attends de voir, mais en tant que voilà que personne féminin ronde, j'ai envie de voir ce type de personnage là traité autrement parce qu'on n'est pas juste la fille gentille ou la fille coconne. On peut être chose, on peut être intelligente, on peut être sexy, on peut être plein de choses. Donc merde à la fin. Voilà. Le truc qui est cool par contre, c'est que tu as vraiment la dualité entre parce qu'au final ils sont ensemble, ils entraident entre Peter qui est vraiment en mode Chronicle, en mode qui est dans l'univers. Je pense il l'appelle l'Oméga à un moment. C'est le personnage avec des pouvoirs. Ils appellent ça psiotique. Bon, les psiotiques, c'est ceux qui ont les pouvoirs. Ouais, donc ils en fait, sont c'est actifs, nés actifs. Donc en fait, il a le c'est le mec qui a le plus de pouvoir au monde. Et en fait, il les utilise pour défoncer tout le monde. Et elle est beaucoup plus positive. Et elle utilise ses pouvoirs pour le enfin il. Pour le même but, mais d'une façon plus. Lisez Archer et Armstrong, vous allez vous régaler là. Ah ouais, mais t'inquiète, déjà. Et juste pour faire vite fait, ça m'a fait penser à la série Légion, justement, en moins psychotique. Donc pour ceux qui auraient peut-être du mal avec le côté psychotique de Légion, je vous dirais de dire ça. Est-ce que malgré tout, tu conseilles, même si tu l'as pas lu en entier? Alors non, mais je le conseille fortement parce que vraiment, je suis à fond dedans et là, je peux te dire, j'ai hâte de rentrer pour pouvoir lire la suite en fait. J'ai zappé. Est-ce que t'as noté les. Non, malheureusement, je pensais que tu les avais notés. Pour finir, un dernier. Il y en a qui va se faire engueuler après. Ouais, excusez-moi. On va, ah, le gros coup de cœur. Le gros coup de cœur, c'est ouais. Quantum et Woody. Non, c'est Archer et Armstrong. Quantum et Woody, c'est super drôle. C'est la, je veux une série télé de ça. En fait, je peux pas vous expliquer l'histoire. J'ai acheté juste Quantum et Woody. Je crois qu'ils vont la faire. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais, ils vont le faire en série télé. Ça va être vraiment cool. Si on peut expliquer, c'est deux frères ennemis. Enfin, deux frères qui sont pas bien. Deux frères qui peuvent pas se blairer. Voilà, et qui vont faire équipe ensemble pour venger leur père. Voilà, en gros. Et en fait, ils sont obligés de faire équipe ensemble et ils peuvent pas se blairer. Ils s'engueulent tout le temps et tout. C'est ça. Ça a l'air vraiment bien drôle. J'ai eu quelques. J'ai le truc extrême pour vendre le truc. Il y a une chèvre qui tire des lasers. Ah, ça bat mes tibétains nazis, ça. Elle est juste géniale, quoi. Ah ouais, énorme. Bon, on va finir sur ça parce qu'il y a Sport & Chill juste après nous. On va pas leur... une chèvre. Une chèvre qui tire de laser. Bah, moi, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur comedydiscovery.fr, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Si vous nous écoutez via iTunes, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur iTunes et de nous mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Ça nous permettrait d'être un peu plus vus dans le référencement iTunes. Et surtout de réagir à nos émissions, de discuter avec nous, quoi, c'est bien. On a besoin d'avoir vos retours. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Est-ce que c'est nous ce qu'on fait? Même réagissez à ce qu'on dit, Valiant, ça vous plaît? Quel titre vous avez lu de Valiant? Qu'est-ce qui vous a hypé ou pas? Bah, moi, je vous dis au revoir à tous. Au revoir, Romain. Au revoir. Au revoir, Thomas. Salut. Et au revoir, Faye. Sayonara. Et la semaine prochaine, on vous fait les comics et les séries télé. On va faire une émission spéciale séries télé. C'est ça la suite du cinéma et les séries. Les comics, tu vois, c'est la suite. Donc pour fêter Iron Fist. Fêter. On verra ça. C'est pas génial. On regarde pas. Les gens ne regardaient pas Iron Fist. Et on va finir avec un petit morceau. C'est Burning Head et je crois que c'est I Was Wrong. Je crois, je ne suis plus sûr. C'est cela. Toujours professionnel. Et ce n'est pas ça, c'est pas grave. Et un grand merci. Professionnel. C'est The River, excusez-moi. Et un grand merci à JB à la technique qui a fait un boulot formidable. Bravo à lui. Bravo. Allez, à la semaine prochaine. Allez, à plus. choose.